c'est bien. A faire pas bon, nous diminuer. Même propre zombie, ou à critiquer. Paré Chita, ou à petit pour Dieu pour chaque jour. La main du ciel.